Le billet d'humour d'Audrey Charlot. Bonjour à tous, bienvenue dans la petite chronique d'Audrey. Si pour toi 15 degrés à Paris et 26 degrés à Perpignan en 2 février ne t'évoquent pas un sentiment de fin du monde très proche, alors n'écoute pas cette chronique. Moi ça me fait penser au jour d'après. Demain il va pleuvoir du sang. La question d'écologie aujourd'hui et de faire au mieux pour la planète est devenue la priorité. Mais comment mieux respirer et avoir moins de pollution à la maison ? La pollution provient de l'air extérieur, mais pas seulement. Les moquettes, les peintures, mais aussi les activités comme le ménage ou le bricolage sont sources de pollution intérieure qu'il faut absolument évacuer. Un petit chiffre un peu effrayant, inhaler ces polluants serait responsable de 20 000 morts par an en France. C'est vrai qu'entre ce qu'on nous dit et ce qu'on nous vend, c'est aussi dur de s'y retrouver. Allumer une bougie ou un bâtonnet d'encens, vaporiser un spray parfumé ou des huiles essentielles ont un effet opposé à celui espéré. Quand on sait qu'on peut retrouver ces produits en parapharmacie, rayon bien-être et naturel, il y a de quoi devenir parano. L'idéal serait de ne jamais en utiliser mais favoriser un pot pourri d'écorce d'agrumes, de craquer une allumette pour éliminer les odeurs désagréables. Alors pour faire au mieux, la première règle, c'est d'aérer sa maison 10 à 15 minutes tous les matins. Ça peut aussi te servir à te réveiller en plus de ton café. On ne refait pas tous les murs ou la chambre de bébé juste avant sa naissance. Non, on s'y prend plusieurs mois à l'avance. Et j'ai lu qu'il serait conseillé d'installer une ventilation mécanique qui renouvelle automatiquement l'air. Qui part avec moi vivre en Islande ? Bonne semaine à tous. La chronique de Charlot, à retrouver en podcast sur itswanradio.com.